Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. 8e épisode. Les révélations brutales. Premier genre, Caroline adore Adolphe. Elle le trouve superbe, surtout en garde nationale. Elle le trouve moulé comme un modèle. Elle lui trouve de l'esprit. Tout ce qu'il fait est bien fait. Personne n'a plus de goût qu'Adolphe. Enfin, elle est folle d'Adolphe. C'est le vieux mythe du bandeau de l'amour qui se blanchit tous les 10 ans et que les mœurs rebrodent, mais qui depuis la Grèce est toujours le même. Caroline est au bal, elle cause avec une de ses amies. Un homme connu par sa rondeur et qu'elle doit connaître plus tard, mais qu'elle voit alors pour la première fois, Monsieur Foulepointe, est venu parler à l'ami de Caroline. Selon l'usage du monde, Caroline écoute cette conversation sans y prendre part. Dites-moi donc, madame... Demande Monsieur Foulepointe. Quel est ce monsieur si drôle qui vient de parler cour d'assises devant monsieur un tel dont l'acquittement a fait tant de bruit, qui patauge comme un bœuf dans un marais à travers les situations critiques de chacun? Madame Untel a fondu en larmes parce qu'il a raconté la mort d'un petit enfant devant elle, qui vient d'en perdre un... il y a 2 mois. Qui donc ? Ce gros monsieur, habillé comme un garçon de café, frisé comme un apprenti coiffeur. Celui qui tâche de faire l'aimable avec madame de Fichtaminel. Cassez-vous donc, c'est le mari de la petite dame à côté de moi. C'est monsieur votre mari ? J'en suis ravi, madame. Il est charmant. Il a de l'entrain, de la gaieté, de l'esprit. Je vais m'empresser de faire sa connaissance. Et Foulepointe exécute sa retraite en laissant dans l'âme de Caroline un soupçon envenimé sur la question de savoir si son mari est aussi bien qu'elle le croit. Second genre, Caroline, ennuyée de la réputation de Madame la baronne Schinner, à qui l'on prête des talents épistolaires et qualifie de la Sévigné du billet, de Madame de Fichtaminel qui s'est permis d'écrire un petit livre sur l'éducation des jeunes personnes, dans lequel elle a bravement réimprimé Fénelon moins le style, Caroline travaille pendant 6 mois une nouvelle d'une moralité nauséabonde et d'un style épinglé. Cette nouvelle, intitulée « Le Mélilo », paraît en 3 feuilletons dans un grand journal quotidien. Elle est signée Samuel Crux. Quand Adolphe prend son journal à déjeuner, le cœur de Caroline lui bat jusque dans la gorge. Elle rougit, pâlit, détourne les yeux, regarde la corniche. Dès que les yeux d'Adolphe s'abaissent sur le feuilleton, elle n'y tient plus. Elle se lève, elle disparaît, elle revient. Elle a puisé de l'audace on ne sait où. Y a-t-il un feuilleton ce matin ? Demande-t-elle d'un air qu'elle croit indifférent et qui troublerait un mari encore jaloux de sa femme. Oui, d'un débutant... Samuel Crux. C'est un pseudonyme. Cette nouvelle est d'une platitude à désespérer les punaises, si elle savait lire. Et d'une vulgarité, c'est pâteux, mais c'est... Caroline respire. C'est incompréhensible. Adolphe pourrait continuer à déchirer le Mélilo. Caroline a des tintements de cloche dans les oreilles. Elle est dans la situation d'une femme qui s'est jetée par-dessus le pont des Arts et qui cherche son chemin à 10 pieds au-dessous du niveau de la Seine. Autre genre, Caroline a fini par découvrir dans ses paroxysmes de jalousie une cachette d'Adolphe qui, se défiant de sa femme, a voulu pouvoir sauver des doigts crochus de la police conjugale sa correspondance avec Hector, son ami de collège. Adolphe soulève le tapis de sa table à écrire, dont le fond est en velours, et il glisse ses lettres à Madame de Fichtaminel, à son camarade Hector, entre la table et le tapis. Eh bien, ces précautions sont inutiles. À diable mâle, diable femelle. L'enfer en a de tous les genres. Caroline a pour elle Méphistophélès, ce démon qui fait jaillir du feu de toutes les tables, qui, de son doigt plein d'ironie, indique le gisement des clés, le secret des secrets. Caroline a reconnu l'épaisseur d'une feuille de papier à lettres entre ce velours et cette table. Elle tombe sur une lettre à Hector et elle lit ceci. Mon cher Hector, mon cher camarade, le bonheur conjugal est fondé comme celui des peuples sur l'ignorance. C'est une félicité pleine de conditions négatives. Si je suis heureux avec ma petite Caroline, c'est par la plus stricte observance de ce principe salutaire sur lequel a tant insisté la physiologie du mariage. J'ai résolu de conduire ma femme par des chemins tracés dans la neige jusqu'au jour heureux où l'infidélité deviendra très difficile. Dans la situation où tu t'es mis, voici, je crois, la marche à tenir pour... La lettre en était restée là. Caroline la replace en songeant à faire expier à son cher Adolphe son obéissance aux exécrables préceptes de la physiologie du mariage. Partie remise. Cette misère doit arriver assez souvent et assez diversement dans l'existence des femmes mariées pour que ce fait personnel devienne le type du genre. La Caroline, dont il est ici question, est fort pieuse. Elle aime beaucoup son mari. Le mari prétend même qu'il est beaucoup trop aimé d'elle. Mais c'est une fatuité maritale, si toutefois ce n'est pas une provocation. Il ne se plaint qu'aux plus jeunes amis de sa femme. Quand la conscience catholique est en jeu, tout devient excessivement grave. L'Adolphe avait été forcé de quitter sa femme pour 2 mois en avril. Dans les premiers jours de juin, madame attendait donc monsieur. Elle l'attendait donc de jour en jour. Elle atteignit d'espoir en espoir, conçue tous les matins et déçue tous les soirs jusqu'au dimanche. Jour où le pressentiment, monté au paroxysme, lui fit croire que le mari désiré viendrait de bonne heure. Quand une femme pieuse attend son mari, que ce mari manque au ménage depuis 2 mois, elle se livre à des toilettes infiniment plus minutieuses que celles d'une jeune fille attendant son premier promis. Cette vertueuse Caroline fut si complètement absorbée dans ses préparatifs entièrement personnels qu'elle renonça à la messe de 8 heures. Si je suis à l'église quand Adolphe arrivera, je perdrai tous les bénéfices de son premier regard. Il pensera que je lui préfère la grand-messe. Elle fit à son mari ce sacrifice en vue de lui plaire. Intérêt horriblement mondain. Préférer la créature au créateur. Un mari à Dieu. Allez écouter un sermon et vous saurez ce que coûte un pareil péché. Après tout, la société, se dit madame d'après son confesseur, est basée sur le mariage que l'Église a mis au nombre des sacrements. Et voilà comment l'on détourne au profit d'un amour aveugle, bien que légitime, les enseignements religieux. Madame refusa de déjeuner et ordonna de tenir le déjeuner toujours prêt, comme elle se tenait elle-même toujours prête à recevoir l'absent bien-aimé. Toutes ces petites choses peuvent faire rire. Mais d'abord, elles arrivent chez tous les gens qui s'adorent, ou dont l'un adore l'autre. Puis, chez une femme aussi contenue, aussi réservée, aussi digne que cette dame, ses aveux de tendresse dépassaient toutes les bornes imposées à ses sentiments par le haut respect de soi-même que donne la vraie piété. Et si monsieur n'arrive pas ? Dit Justine au cuisinier. Que deviendrons-nous ? Madame m'a déjà jeté sa chemise à la figure. Enfin, Caroline entendit les claquements de fouet d'un postillon, le bruit produit par l'allure des chevaux de poste, les sonnettes. Oh, elle ne douta plus de rien. Les sonnettes la firent éclater. La porte ! Ouvrez donc la porte ! Voilà monsieur ! Et la femme pieuse cassa le cordon de sa sonnette. Ils n'ouvriront pas la porte ! Oh. Décidément, je ne laisserai jamais Adolphe voyager sans que je l'y accompagne. Un poète de Marseille avouait qu'à l'heure du dîner, si son meilleur ami ne venait pas exactement, il attendait patiemment 5 minutes. À la 10e minute, il se sentait l'envie de lui jeter la serviette au nez. À la 12e, il lui souhaitait un grand malheur. À la 15e, il n'était plus le maître de ne pas le poignarder de plusieurs coups de couteau. Toutes les femmes qui attendent sont poètes de Marseille. Si l'on peut comparer toutefois les tiraillements vulgaires de la faim au sublime cantique des cantiques d'une épouse catholique espérant les délices du premier regard d'un mari absent depuis 2 mois. Que tous ceux qui s'aiment et qui se sont revus après une absence 1000 fois maudite veuillent bien se souvenir de leur premier regard. Il dit tant de choses que souvent quand on se retrouve devant des importuns, on baisse les yeux. Quand le matin, Caroline apprit le retour de son Adolphe, 2 larmes sortirent de ses yeux. Elle courut à la chambre d'amis sans aucune toilette préparatoire. Sur le seuil, un affreux domestique lui dit que monsieur, ayant fait 200 lieues et passé 2 nuits sans dormir, avait prié qu'on ne le réveillât point. Il était excessivement fatigué. Comme madame fut visiblement atrabilaire pendant 3 jours, Justine répondit à propos d'un reproche injuste et avec la finesse d'une femme de chambre. « Mais cependant, madame, monsieur est revenu. Il n'est encore revenu qu'à Paris. » dit la pieuse Caroline. La, la, la, la, la, les attentions perdues. Mettez-vous à la place d'une pauvre femme qui se donne des peines infinies et qui dépense beaucoup d'argent pour être à son avantage et suivre les modes, qui se dévoue à tenir richement et avec économie une maison assez lourde à mener, qui par religion et par nécessité peut-être n'aime que son mari, qui n'a pas d'autre étude que le bonheur de ce précieux mari, qui joint pour tout exprimer le sentiment maternel au sentiment de ses devoirs. Cette circonlocution soulignée est la paraphrase du mot « amour » dans le langage des prudes. Y êtes-vous ? Eh bien, ce mari trop aimé a dit, par hasard, en dînant chez son ami, M. de Fichetaminel, qu'il aimait les champignons à l'italienne. Si vous avez observé quelque peu la nature féminine dans ce qu'elle a de bon, de beau, de grand, vous savez qu'il n'existe pas pour une femme aimante de plus grand petit plaisir que celui de voir l'être aimé gobant les mets préférés par lui. Cela tient à l'idée fondamentale sur laquelle repose l'affection des femmes. Être la source de tous les plaisirs de l'être aimé, petits et grands. Caroline a pour 2 ou 3 jours de recherche avant de savoir comment les Italiens accommodent les champignons. Elle découvre un abbé corse qui lui dit que chez Biffy, rue Richelieu, non seulement elle saura comment s'arrangent les champignons à l'italienne, mais qu'elle aura même des champignons milanais. Notre Caroline pieuse remercie l'abbé Serpolini et se promet de lui envoyer en remerciement un bréviaire. Le cuisinier de Caroline va chez Biffy, revient de chez Biffy, montre à madame la comtesse des champignons larges comme les oreilles du cocher. Ah, bon, et il vous a bien expliqué comment on les accommode ? C'est rien du tout pour nous autres. Le soir, au second service, toutes les fibres de Caroline tressaillent de plaisir en voyant une certaine timbale que sert le valet de chambre. Elle a véritablement attendu ce dîner comme elle avait attendu monsieur. Mais entre attendre avec incertitude et s'attendre à un plaisir certain, il existe pour les âmes d'élite, il existe entre ces 2 modes de l'attente la différence qu'il y a entre une belle nuit et une belle journée. On présente au cher Adolphe la timbale. Il y plonge insouciamment la cuillère et il se sert sans apercevoir l'excessive émotion de Caroline. Eh bien, Adolphe ? Eh bien, ma chère. Tu ne les reconnais pas ? Quoi ? Des champignons à l'italienne. Ça, des champignons? Je croyais... Eh oui, ma foi, c'est des champignons. À l'italienne. Ça, c'est des vieux champignons conservés. À la milanaise. Je les exècre. Mais qu'est-ce donc que tu aimes? Les fungi trifolati. On parle de désastre, de petite misère. Ceci, voyez-vous, est au cœur d'une femme ce qu'est pour un enfant de 8 ans la douleur d'une dent arrachée. Car nous avons pris cette description culinaire comme prototype de celle qui désole les femmes aimantes et mal aimées. La fumée sans feu. La femme, pleine de foi en celui qu'elle aime, est une fantaisie de romancier. Ce personnage féminin n'existe pas plus qu'il n'existe de riche dot. La fiancée est restée, mais les dots ont fait comme les rois. La confiance de la femme brille peut-être pendant quelques instants à l'aurore de l'amour, et elle s'éteint aussitôt comme une étoile qui file. Pour toute femme qui n'est ni hollandaise, ni anglaise, ni belge, ni d'aucun pays marécageux, l'amour est un prétexte à souffrance, un emploi des forces surabondantes de son imagination et de ses nerfs. Aussi, la seconde idée qui saisit une femme heureuse, une femme aimée, est la crainte de perdre son bonheur. Car il faut lui rendre la justice de dire que la première, c'est d'en jouir. Tous ceux qui possèdent des trésors craignent les voleurs, mais ils ne prêtent pas, comme la femme, des pieds et des ailes aux pièces d'or. Axiome. Aucune femme n'est quittée sans raison. Cet axiome est écrit au fond du cœur de toutes les femmes, et de là vient la fureur de la femme abandonnée. N'entreprenons pas sur les petites misères de l'amour. Nous sommes dans une époque calculatrice où l'on quitte peu les femmes, quoi qu'elles fassent. Car de toutes les femmes, aujourd'hui, la légitime, sans calembour, est la moins chère. Or, chaque femme aimée a passé par la petite misère du soupçon. Ce soupçon, juste ou faux, engendre une foule d'ennuis domestiques, et voici le plus grand de tous. Un jour, Caroline finit par s'apercevoir que l'Adolphe chéri la quitte un peu trop souvent pour une affaire, l'éternelle affaire Chaumontel, qui ne se termine jamais. Axiome. Tous les ménages ont leur affaire Chaumontel. Réécoutez La misère dans la misère, 4e épisode de ce feuilleton. D'abord, la femme ne croit pas plus aux affaires que les directeurs de théâtre et les libraires ne croient à la maladie des actrices et des auteurs. Dès qu'un homme aimé s'absente, l'eût-elle rendu trop heureux, toute femme imagine qu'il court à quelque bonheur tout près. Sous ce rapport, les femmes dotent les hommes de facultés surhumaines. La peur agrandit tout, elle dilate les yeux, le cœur, elle rend une femme insensée. Et où va monsieur ? Que fait monsieur ? Pourquoi me quitte-t-il ? Pourquoi ne m'emmène-t-il pas ? Ces 4 questions sont les 4 points cardinaux de la rose des soupçons et régissent la mer orageuse des soliloques. De ces tempêtes affreuses qui ravagent les femmes, il résulte une résolution ignoble, indigne, que toute femme, la duchesse comme la bourgeoise, la baronne comme la femme d'agent de change, l'ange comme la mégère, l'insouciante comme la passionnée, exécute aussitôt. Toutes, elles imitent le gouvernement, elles espionnent. Ce que l'État invente dans l'intérêt de tous, elles le trouvent légitime, légal et permis dans l'intérêt de leur amour. Cette fatale curiosité de la femme la jette dans la nécessité d'avoir des agents, et l'agent de toute femme qui se respecte encore dans cette situation, où la jalousie ne lui laisse rien respecter, ni vos habits, ni vos tiroirs de caisse ou de bureau, ni vos portefeuilles à secret, ni vos papiers, ni votre toilette, Une femme découvre alors que son mari se teignait les moustaches quand il était garçon, qu'il conserve les lettres d'une ancienne maîtresse excessivement dangereuse et qu'il la tient ainsi en respect, etc., etc., ni vos ceintures élastiques. Eh bien, son agent, le seul auquel une femme se fie, est sa femme de chambre. Car sa femme de chambre la comprend, l'excuse et l'approuve. Dans le paroxysme de la curiosité, de la passion, de la jalousie excitée, une femme ne calcule rien, n'aperçoit rien. Elle veut tout savoir. Justine et Caroline ont des conciliabules, des conversations secrètes. Tout espionnage implique ses rapports. Dans cette situation, une femme de chambre devient la maîtresse du sort des deux époux. Madame, monsieur sort effectivement pour aller voir une femme. Caroline devient pâle. Mais que madame se rassure, c'est une vieille femme. Ah, Justine, il n'y a pas de vieille pour certains hommes. Les hommes sont inexplicables. Mais madame, c'est pas une dame, c'est une femme du peuple. Oh, Justine, Lord Byron est mis à Venise une poissarde. C'est la petite madame Fichteminel qui me l'a dit. Et Caroline fond en larmes. J'ai fait causer Benoît. Que pense Benoît ? Benoît croit que cette femme est une intermédiaire. Car monsieur se cache de tout le monde, même de Benoît. Caroline vit pendant 8 jours dans l'enfer. Toutes ses économies passent à solder des espions, à payer des rapports. Enfin, Justine va voir cette femme appelée Madame Mahuchet. Elle la séduit, elle finit par apprendre que monsieur a gardé de ses folies de jeunesse un témoin, un fruit, un délicieux petit garçon qui lui ressemble et que cette femme est la nourrice, la mère d'occasion qui surveille le petit Frédéric, qui paye les trimestres du collège, celle par les mains de qui passent les 1200 francs, les 2000 francs perdus annuellement au jeu par monsieur. Et la mère ? Enfin, la droite Justine, la providence de madame, lui prouve que mademoiselle Suzanne Beauminet, une ancienne grisette devenue madame Sainte-Suzanne, est morte à la Salpêtrière. Caroline respire. Elle a le poignard hors du cœur. Elle est heureuse. Mais si elle n'a que des filles, elle souhaite un garçon. Cette source de petite misère est indiqué ici pour que toutes les femmes à l'écoute de ce feuilleton y contemplent le cours de leur vie conjugale, le remontent ou le descendent, y retrouvent leurs aventures secrètes, leurs malheurs inédits, la bizarrerie qui causa leurs erreurs et les fatalités particulières auxquelles elles doivent un instant de rage, un désespoir inutile, des souffrances qu'elles pouvaient s'épargner, heureuses toutes de s'être trompées. Cette petite misère a pour corollaire la prochaine, beaucoup plus grave, et souvent sans remède, surtout lorsqu'elle a sa cause dans des vices d'un autre genre et qui ne sont pas de notre ressort, car dans ce feuilleton, la femme est toujours censée vertueuse, jusqu'au dénouement. Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie Française. Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern et Christian Gonon, Alexandre Pavlov, Julie Sicard. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.